D'accord. Je suis un poil en retard, mais c'est pas de ma faute à moi, c'est pas de la faute non plus de l'équipe qui vient de quitter la radio, parce que d'abord ils sont adorables, et ensuite il y a des bouchons partout sur Bordeaux. Merci les vacances, hein, c'est sympa. Allez, on y va quand même dans la joie et la bonne humeur. Vous êtes sur RIG, il est 20h passées de 4 minutes et c'est la saga des fins. RIG. Oh là, l'artiste est vachement plus lourd de Nexo. RIG 90.7. Ne cherchez plus, c'est 90.7. Bonsoir à tous et à toutes, enfin en direct, en vrai. Je n'ai même pas eu le temps encore de me mettre sur les réseaux sociaux Facebook, sur yellowsub.fr et sur macaclub.com, mais je vais le faire dans quelques secondes. Aujourd'hui, nous avons une émission spéciale qui a été inspirée par un ami suisse qui répond au nom de Jean Bernard, c'est son prénom en tout cas, et il m'a proposé la saga spéciale Discovery des albums US des Beatles. Pourquoi ? Parce que d'abord, les Beatles ont mis un moment à s'imposer aux États-Unis. Là, ça a commencé en Angleterre et ça s'est répandu. Et surtout, la même année, en 1964, lorsque les États-Unis vraiment disent « ça y est, les Beatles, on les aime, c'est fantastique », ils sortent 4 albums la même année. L'album « Meet the Beatles », l'album « The Beatles Second Album » en 64, « A Hard Day's Night » toujours en 64 et « The Beatles 65 » en décembre 64. C'est fou quand même. Donc, on va écouter tout ça au fur et à mesure de cette spéciale. Et surtout, écoutez bien vous qui êtes sur yellowsub.fr puisque cette émission a été proposée par un Sebien, la Yellow Sebien, et qu'il y a une chose à gagner, c'est-à-dire l'intégralité des albums US offerts par yellowsub.fr. C'est sur yellowsub.fr qu'il va y avoir le concours. Vous allez sur yellowsub.fr écrire la réponse à une question que je vous donnerai à un moment de la soirée. Et vous seul sur yellowsub.fr. Pour tout le reste, eh bien, l'émission est quand même pour tous. Donc vous pouvez écouter, vous pouvez réagir sur Facebook, vous pouvez réagir sur macaclub.com, etc., etc. Et puisqu'on parle de US, je voudrais envoyer un grand bonjour. Hello to Michael, who's doing the Beatles tonight on home ground radio New Jersey. Tous les lundis de 10h à minuit, ce qui fait le mardi à 4h du matin pour nous. Je l'ai écouté la semaine dernière, enfin cette semaine-là, hier, c'était génial. Voilà, place à la musique avec le premier titre, c'est le single sorti en 1963, juste avant donc qu'il regroupe tout sur des albums. I Want to Hold Your Hand, bonne soirée. Les Beatles, c'est maintenant et c'est sur RIG. Say

Et là, nous sommes sur le premier mix qui est différent. Si vous prenez le mix de Long Tall Sally, la version britannique et internationale, il n'y a presque pas de reverb sur la voix et les instruments, du coup, sont encore plus brutaux que sur la version britannique. Écoutez la version que vous connaissez, que nous connaissons, vous verrez, il y a des différences. On l'entendra encore plus sur d'autres chansons, les différences de mix entre la version US et la version, on va dire, normale, celle que nous, en tout cas, nous connaissons. Tout à l'heure, c'était Don't Bother Me, était extrait de l'album Meet the Beatles, et Long Tall Sally fait déjà partie de l'album The Beatles Second Album, sorti en 1964, qui est, je vous le rappelle, au cas où vous l'ignoreriez, une superbe année. À venir, I Call Your Name, la version US, justement, de ça, toujours sur le même album, The Beatles Second Album. C'est maintenant, c'est sur Érigé et c'est dans la saga des Fab Four. C'est la saga des Fab Four. Érigé 90.7, la radio des Beatles. You're not there. Was I to blame for being unfair? Oh, I can't sleep at night since you've been gone. I never weep at night. I can't go on. Don't you know? De yellowsub.fr qui m'a aidé à préparer cette émission. En fait, c'est lui qui m'a tout indiqué. Je le reconnais. Là, elle est co-présentée, on va dire, grâce à ses notes. Indique que sur I Call Your Name, la cloche cowbell, qu'on appelle en anglais à la batterie, est présente dès le début de la chanson sur cette version US, extraite du Beatles Second Album. On va vérifier ça tout de suite puisque voici la version que nous connaissons. Écoutons si on entend la cowbell dès le début ou pas. Effectivement, la cowbell rentre plus tard, pas tout de suite, comme on l'a entendu il y a quelques secondes. Donc, il a raison, JB, c'est donc des versions différentes. Donc, c'est intéressant parce que, en ce qui me concerne en tant que fan des Beatles, eh bien, acheter un album juste parce que la pochette est différente, personnellement, je ne suis pas assez fan pour ça. Par contre, s'il y a des différences de mix et que ça s'entend vraiment, là, pour moi, ça devient vraiment très, très intéressant et je suis capable de me procurer plusieurs fois la même version, le même album, tout simplement parce que sur certains mix, eh bien, il y a des différences. Et là, quand on est vraiment fan, c'est très, très très bien. Merci à moi, au réalisateur. Et voici la chanson extraite de Hard Day's Night, toujours en 1964, avec cette chanson, I'll Cry Instead, avec le mix US. Essayez d'entendre la différence. I got every reason on earth to be mad, 'cause I just lost the only girl I had. If I could get my way, I'd get myself locked up today, but I can't, so I cry instead. I got a chip on my shoulder that's bigger than my feet. I can't talk to people that I meet. If I could see you now, I'd try to make you sad somehow, but I can't, so I cry instead. Don't wanna cry when there's people there. I get shy when the stars stare. I'm gonna lock myself away, hey, but I'll come back again someday. I'm gonna do you better, hide all the girls. I'm gonna break their hearts all around the world. Yes, I'm gonna break them too. I'll show you what your loving man can do. Until then, I'll cry and say, get myself locked up today, but I can't, so I'll cry instead. Don't wanna cry when there's people there. I get shy when they start to stare. I'm gonna hide myself away, hey, but I'll come back again someday. And when I do, you better hide all the girls, 'cause I'm gonna break their hearts all around the world. Yes, I'm gonna break them in two. What your loving man can do, 'cause then I'll cry instead. Écoutez bien ce que je vais dire au sujet de ce titre-là. Et c'est vrai que si on écoute bien, on l'entend. La version est plus longue. Bon, ça, on n'est pas obligé de s'en rendre compte. Par contre, le premier couplet est répété dans la deuxième partie de la chanson. Oui, lorsque j'ai écouté cette chanson-là, je me suis dit, mais oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc, retenez bien ça. Le premier couplet est répété dans la deuxième partie de la chanson. Voici And I Love Her, encore le US mix. Et on écoutera, après ce mix US, d'abord l'explication et ensuite la version que nous connaissons pour bien écouter la différence. On va pas le faire à chaque fois parce que sinon ce serait trop lourd. Et surtout, l'émission ne dure que 2 heures et je l'ai commencé un poil en retard. On y va. And I Love Her version US et cet extrait de A Hard Day's Night sur RIG. I give her all my love, that's all I do. And if you saw my love, you'd love her too. I love her. She gives me everything and tenderly. The kiss my lover brings, she brings to me. And I love her. A love like ours could never die, as long as I have you near me. Bright are the stars that shine, dark is the sky. I know this love of mine never die, and I love her. Stars that shine, dark is the sky. I know this love of mine will never die, and I love her. Quelque chose qui vous saute aux oreilles immédiatement. Moi, ça m'a sauté aux oreilles. D'abord, c'est une chanson magnifique. On l'a écrit sur Facebook. J'ai juste eu le temps de le voir arriver avant de changer de page pour pouvoir retourner sur le programme qui me permet de balancer la musique à l'antenne. Et je souhaite aussi la bienvenue à Off the Ground sur yellowsub.fr qui vient de rejoindre le site. Peut-être parce que ce soir, il y a un jeu spécial yellowsub.fr et qu'il y aura quand même toute la collection de US des Beatles à gagner dans quelques minutes, hein, probablement, avec la réponse à mettre sur le site dans une question sur quelque chose que j'aurais déjà dont j'aurais déjà donné la réponse au cours de l'émission. On va pas le faire encore, on va le faire vers 21h cette question-là, peut-être quelque chose comme ça pendant tout le reste du temps. Eh bien, demandez-vous à quel moment je vais donner la réponse à la future question. En tout cas, And I Love Her, ce qui saute aux oreilles lorsqu'on entend, c'est que la voix n'est pas doublée. On entend bien la voix de Paul McCartney, mais si vous écoutez la voix direct, la voix que l'on connaît de cette chanson sur l'album A Hard Day's Night qui est sorti en France et on va dire dans le reste du monde, mais pas aux États-Unis, ça donne ça. Comme c'est une superbe chanson et qu'elle date de 64, on la réécoute avec la voix doublée cette fois-ci. Écoutez. I give her all my love, that's all I do. And if you saw my love, you'd love her too. I love her. She gives me everything and tenderly. The kiss my lover brings, she brings to me. And I love her. A love like ours could never die, as long as I have you near me. Bright are the stars that shine, dark is the sky. I know this love of mine die, and I love her. Stars that shine, dark is the sky. I know this love of mine will never die, and I love her. Break my heart, I'll go, but I'll be back again. 'Cause I told you once before goodbye, but I came back again. I love you so, I'm the one who wants you. Yes, I'm the one who wants you. Oh, oh, oh, oh, you could find better things to do than to break my heart again. this time I will try to show that I'm not trying to pretend. That if I ran away from you, that you would want me to, that I got a big surprise. Oh, oh, oh, oh, you could find better things to do than to break my heart again. This time I will try to show that I'm not trying to pretend. I wanna go, but I hate to leave you. You know I hate to leave you. Oh, oh, oh, oh, you. If you break my heart, I'll go, but I'll be back again. Là, c'est un petit peu plus vicieux, la différence entre la version US et la version, on va dire la version européenne, comme ça, ce sera plus facile. Sur cette chanson, I'll Be Back, c'est la fin, le fade out qui est plus long de quelques secondes. Donc, c'est franchement léger, mais c'est quand même sympa d'avoir écouté cette chanson-là, I'll Be Back, qui est extrait de Beatles 65. Et curieusement, ce Beatles 65 est sorti en décembre 1964. Néanmoins, on a pas chipoté pour un mois, ça a été commercialisé fin 64. Et puis, très vite, mais oui, on est passé en 65, je vous le cache pas, il y a des vérités quelquefois qui arrivent comme ça, à l'antenne dérigée dans la saga des Fab Four, qui sont absolument faramineuses. Et pour la chanson d'avant, la belle chanson And I Love Her, Coco sur yellowsub.fr dit, il me semblait bien qu'il y avait une différence dans la voix, j'avais repéré ça. Et ben oui, la voix était doublée, alors que là, dans la version US, on l'entend clairement, le popol, et c'est bien d'ailleurs, j'aime bien cette version US, je pense que je vous la repasserai plusieurs fois. Et puisqu'on parle de Paul, et d'ailleurs avant de parler de Paul, tout à l'heure j'ai dit hello à mon ami des États-Unis, Michael Honorato. Honorato, je pense. Eh bien, je connais cet homme-là qui fait Beatles Tonight sur Homeground Radio New Jersey grâce à Lovely Rita. Lovely Rita qui dirige le Beatles Magazine à Londres et qui met en relation en quelque sorte tous ceux qui d'abord aiment les Beatles, mais tous ceux également qui font des émissions sur les Beatles. Et il y en a partout dans le monde, en France pour l'instant. Sauf surprise, il n'y aurait que moi qui ai la chance et le plaisir de vous présenter une émission hebdomadaire où je parle, dans laquelle je parle également, pas seulement juste passer de la musique, ça c'est facile, tout le monde peut le faire, mais dans le monde il y a Michael aux États-Unis, il y en a d'autres aux États-Unis forcément, il y en a en Angleterre, il y en a dans des langues espagnoles, donc je leur envoie le bonjour, mais je ne parle pas espagnol, je suis désolé. Et puis il y a vous qui pouvez écouter ça grâce à Lovely Rita en allant sur Beatles Magazine que vous retrouvez sur Facebook et un petit peu partout. Donc n'hésitez pas, c'est vraiment the place to be, comme on dit. Allez, voici Paul avec She's a Woman dans la version US mix. She's a Woman, c'est tiré de l'album Beatles 65 encore. Mais voici le petit jingle. Ça, c'est un jingle exclusif, la série. Jennifer McCartney sur Facebook a trouvé la différence entre la version US et la version que nous, nous connaissons sur cette version-là. Eh bien, il y a un ajout conséquent de reverb sur tout le mix et on l'entend bien. Et donc, Jennifer l'a trouvé avant. Bravo, l'écho n'est pas dans l'original, l'a-t-elle dit. Et c'est vrai, l'écho n'est pas dans l'original, enfin, si on veut, dans la version, en tout cas, que nous, nous connaissons. Voilà ce qu'on pouvait dire au sujet de cette chanson-là. Et je vous propose Bad Boy. Bad Boy, cette fois-ci, on change d'album, on saute... non, on reste toujours en 1965, mais c'est extrait de l'album Beatles 6, déjà, en 1965. Et ce titre-là, sur la rigueur, forcément. So voilà les Beatles, cette version est, enfin plutôt cette version de la saga des Fab Four est un petit peu différente de l'habitude. Habituellement, je ne parle quasiment pas après chaque chanson, mais là j'ai presque toujours une petite note à dire, quelque chose à dire sur une chanson. C'est une chanson, c'est une saga particulière qui m'a été proposée par JB, l'ami Helvète, qui est souvent sur yellowsub.fr. Et yellowsub.fr, je vous le rappelle, vous offre cette semaine exceptionnellement un concours sur son site à lui. Est-ce qu'on dit lui dans le cas d'un... Oui, un site, oui, voilà. Et j'ai d'ailleurs, figurez-vous, déjà répondu à la future question au cours de cette saga qui a commencé avec un petit peu de retard. Donc si vous avez bien tout noté, vous pourrez répondre à la question que je poserai dans une petite vingtaine de minutes. Vous répondrez sur le site, yellowsub.fr, et la première personne qui me donne la réponse juste à la question que je poserai aura gagné le coffret, le Beatles US, qui est quand même quelque chose que j'aimerais bien gagner moi aussi. Bon, je l'ai déjà, mais c'est pas grave, je l'ai déjà parce que j'ai acheté avant les, vous savez, les coffrets Capitol qui étaient sortis, et puis j'ai me suis procuré le reste sur iTunes, donc tout va bien. Puis ma vie ne vous intéresse pas. Nous sommes en 1965 et à cette époque il tourne le film Help, parodié un petit peu quand même les James Bond. C'était un petit peu drôle comme ça. C'est vraiment l'esprit des années 60. Ringo, si je me souviens bien du film, a une bague qui est convoitée par une secte, et ils essaient toujours d'enlever Ringo pour enlever la bague. Et la différence qu'il y a entre la chanson Help et la version US, eh bien écoutez, vous allez l'entendre tout de suite. C'est un petit passage instrumental dans le style de James Bond, ajouté juste avant la chanson. Treat me like you did the night before. Thierry Gallet, animateur radio, un homme élevé aux Beatles. Chers auditeurs, nous pouvons l'écouter. Nous en avons la possibilité technique. Nous sommes capables de partager cette passion avec le Beatlesman. Thierry Gallet est devenu cet homme. Passionnant. Passionné. En un mot, le meilleur. L'homme qui aimait les Beatles. Sur RIG, la saga des Fab Four. Allez voir sur Facebook, sur le groupe La Saga des Fab Four sur Facebook, parce qu'il y a Rook Le Barge qui c'est un pseudo, hein, Le Barge, mais il est absolument fantastique parce que il dégaine des pochettes plus vite que Lucky Luke tire des balles avec son fusil. C'est impressionnant. Dès que je mets le moindre titre, je vois apparaître une pochette qui vient du Japon, une pochette que je connais qui est sortie en France, ou une pochette, une autre pochette. Enfin bref, il va très très vite. Il est assez fabuleux. Et Jennifer McCartney est également extrêmement douée parce que elle me marque version plus longue, non? Eh ben oui, c'est dans les notes de JB de yellowsub.fr. Il l'a marqué pour Michel. La version est plus longue et la balance entre les voix et les instruments est plus longue de 10 secondes, j'ai oublié de le dire. Et la balance entre les voix et les instruments est différente de la version britannique. Donc bravo, belle oreille. Je ne suis pas vraiment étonné quand on est jeune comme ça. On écoute très très bien. Je vous propose The World qui est extrait de l'album Rubber Soul en 65. Là, les versions à partir de Help et tout ça, ils ont réussi à rattraper. Non, en 66, il y aura Yesterday, Today. Ah oui, tiens, si on parlait des albums, il y a Meet the Beatles, il y a The Beatles Second Album. En tout cas, pour ce soir, je parle, hein, ce que j'ai prévu dans la playlist A Hard Day's Night, The Beatles 65, The Beatles 6. tout simplement, V et 1 et I plutôt, en romain. Help, il y a Rubber Soul, Yesterday and Today, il y a également Revolver et Hey Jude à la fin, qui est une compilation. Ça, c'est les albums que je vais vous passer ce soir. Ne me dis pas qu'il y en a plus. Oui, il y en a plus, mais je n'ai que 2 heures d'émission, je n'ai pas eu le temps de vous proposer une chanson de chaque album. J'avais envie de m'arrêter sur certains. Donc, The World, il y a quelque chose de différent dans The World. Je vais vous proposer donc les deux versions, la version US et la version européenne, on va dire, sur RIG dans la saga des Fab Four. In the beginning Two words, love, on the Fabulous Four Saga here on RIG. Pas mal, hein, je fais ce que je peux. En tout cas, le Lovely Rita, depuis Londres, nous marquait au sujet de l'album Rubber Soul. J'adore cet album. C'est un album folk rock qui incorpore les styles musicaux de la pop et de la soul en même temps. Et elle a raison. C'est vraiment très, très bien. Michael, lui, dit qu'il adore la version anglaise du mix et la version US était un petit peu plus rapide, dit-il, sur cette chanson-là. C'est pas ça qu'on a repéré. Nous, on a repéré surtout que le placement des voix est différent. Et ça s'entend très, très bien quand on écoute les deux chansons côte à côte, comme je viens de le faire. La voix de John et de Paul et tout ça ne sont pas mixées exactement pareil. C'est Johnny Fort, quel prénom bizarre, qu'il avait bien deviné, il avait dit, elle est plus accentuée sur cette version, les deux voix ne sont pas du tout pareilles sur celle-ci et sur l'autre. Et c'est vrai. Et si je posais la question pour les gens de yellowsub.fr pour pouvoir gagner l'intégralité des albums US des Beatles, enfin le coffret de l'intégrale US Beatles, eh bien écoutez, lors d'une chanson dans la première heure, puisqu'on va aborder la deuxième heure, qu'est-ce que j'ai dit au sujet? Comment est-ce que je vais poser la question? Il suffit que je reprenne la feuille. C'est du direct, hein, les amis. Qu'est-ce que vous voulez? Là, voilà. Quelle chanson a eu le premier couplet répété dans la deuxième partie de la chanson? Je vous avais dit, au moment où j'ai dit ça, je vous avais dit, notez bien ça. Parce qu'en fait, c'était la réponse à la question. Donc, quelle chanson a eu le premier couplet répété dans la deuxième partie de la chanson? Seuls les gens de yellowsub.fr peuvent répondre sur le site yellowsub.fr, puisque cet album est à gagner grâce au site yellowsub.fr. Merci à vous tous, en tout cas, d'écouter et d'être présents. Vous êtes nombreux ce soir, vous êtes nombreux en France, sur Bordeaux, sur 90.7, sur www.rgfm.fr, vous êtes en Angleterre avec Lovely Rita, par exemple, en Amérique avec Michael, vous êtes en Israël avec David, par exemple, en Belgique, et vous êtes un petit peu partout, et ça me ravit. Thanks, folks. Vous aurez noté le faux départ sur cette chanson I'm Looking Through You, qui est seulement dans la version mix US des albums des Beatles, puisque dans la version européenne, eh bien, on n'entend pas cela. Et je suis bien marré parce que lorsque j'ai posé la question, ça a été très très rapide sur yellowsub.fr. Il y a eu immédiatement Alain qui a hurlé, puisqu'il a écrit en grosses lettres I'll cry instead. C'est effectivement ce que je voulais entendre. C'était sur cette chanson-là que le premier couplet est répété. Il l'a écrit, il a même fait une faute, il a mis le 3 au lieu de la virgule, tellement il a voulu aller rapidement. Il y a Coco juste derrière qui dit I'll cry instead, Off the Ground qui dit I'll cry instead, hey, and I love her, et Fab Four qui dit I'll cry instead, et puis Off the Ground, fair play. Bravo Alain. Et quant à David, toujours le mot pour l'occasion, puisque I'll cry instead, c'est je vais plutôt pleurer. Il dit trop tard, il me reste toujours mes yeux pour pleurer. Bien joué David, c'est ça. Donc Alain, bravo, tu as gagné, félicitations. Il te reste à me donner en message privé ton adresse et les moyens de t'envoyer ce coffret, et ce sera fait dans aussi vite que possible, puisque c'est Yellow Seb qui propose ça. Et là, franchement, à plus de 100€ le coffret. Je ne peux pas doubler le coffret comme je l'ai fait lors d'un autre concours qui avait déjà été fait. Je n'ai pas les moyens à ce point-là. Voici une autre chanson des Beatles, et sur cette chanson, eh bien, écoutez bien, je vais vous le dire dès le début. Les parties de guitare à l'envers sont placées parfois à des endroits différents. Certaines ne sont pas entendues dans le mix de United Kingdom. Écoutez, cette chanson-là, c'est I'm Only Sleeping, et c'est sur RIG dans la saga des Fab Four. Where I am, I'm on. plus le temps d'aller consulter, mais je crois que c'est Coco qui indique, ou alors si c'est pas Coco, non, c'est peut-être Penny Lane sur Maca Club qui indique, c'est Penny Lane, je crois, qui indique que quand je donne les différences avant de faire écouter les chansons, on entend plus facilement les différences. Là, si vous avez bien écouté, les guitares sont plus en avant. C'est simple, hein, c'est pas toujours des différences énormes. Ce ne sont pas toujours des différences énormes. Les guitares sont plus en avant sur Dr. Robert. Nous arrivons à la chanson, la reprise. La reprise, eh bien, ce sont les Donnas, qui sont un groupe de filles californiens, style heavy garage punk pop. Leur reprise de Drive My Car est extraite de l'album This Bird Has Flown, publié en 2005 pour célébrer les 40 ans de Rubber Soul. D'autres groupes et artistes ont participé à cet album. Je vous rappelle que tout ce qui est dit ce soir, eh bien, c'est JB qui m'a gentiment écrit tous les textes pour que je vous fasse cette émission spéciale sur le coffret US des Beatles dans la saga des Fab Four. Voici donc la cover, qui est donc une reprise d'une chanson chantée par John, Paul, Ringo ou George, ou les quatre ensemble, et là c'est le cas, par les Donnas en 2005 sur cet album This Bird Has Flown, This Bird Has Flown, et voici Drive My Car sur RIG. Let's go. Paul McCartney here, and you're listening to RIG. Possessions. Michael depuis les États-Unis me met joli enchaînement, Thierry. Thank you, Michael. That's nice. Et il y a aussi David qui ne peut pas s'empêcher, que ce soit sur Yellow Sub ou que ce soit sur Facebook, de mettre des bêtises. Mais j'aime bien, j'apprécie. We can work it out. Il marque en français, on peut travailler ça dehors. Oui, quand on traduit littéralement, bah, c'est ça. C'est ça, c'est exactement la traduction littérale sans chercher à y mettre un sens. Donc c'est très très très bien fait. J'espère que vous allez bien les amis, parce que moi ça me fait plaisir de voir autant de monde présent, parce que j'ai l'indicateur qui me donne le nombre d'auditeurs internautes. Je n'ai pas celui qui me donne le nombre d'auditeurs sur la FM, sur 90.7, parce que je pense aussi à vous, hein, les gens qui écoutaient sur 90.7 dans la région de Bordeaux. D'ailleurs, vous pouvez l'écouter sur votre tablette, si vous le souhaitez, également à Bordeaux, sur www.rigfm.fr. C'est facile et c'est comme ça que ça se passe. Voici les Beatles. Ah oui, vous vouliez savoir à propos des deux chansons passées, Dr. Robert et And Your Bird Can Sing. Pas grand chose à dire. Dans Dr. Robert, les guitares sont plus en avant. Des And Your Bird Can dans And Your Bird Can Sing. Vous y arrivez. Les mix sont légèrement différents. Quant à We Can Work It Out, il y a un placement différent de l'harmonium. C'est donc assez léger. Là, c'est léger la différence. Pour Day Tripper, on l'écoutera tout à l'heure. Et ce sera une seule guitare à l'intro, alors qu'il y en a deux sur le mix anglais. Vous allez écouter ça juste après Ringo et What Goes On. Écoutez bien Day Tripper, une seule guitare à l'intro au lieu de deux. Ringo Starr, Ringo Starr. Tearing me apart when you treat Beatles. Pour entendre la différence, on double Day Tripper. Taking the easy way out now. quelquefois, en surveillant Facebook, en surveillant yellowsub.fr ou en surveillant Maca Club, je n'ai pas le temps de lire tous vos commentaires. Et il y en a eu un très drôle au sujet de la chanson What Goes On entre l'Angleterre et les États-Unis, puisque Lovely Rita a dit au sujet de What Goes On que la voix de Ringo est... Alors, je ne sais pas si je vais avoir le temps de retrouver tout en parlant ce qu'a dit Lovely Rita, mais on va admettre qu'elle a dit la voix de Ringo est sur le côté gauche au lieu du côté droit. Voilà, c'est j'ai retrouvé la voix de Ringo, voilà, est mixée sur le côté gauche au lieu du côté droit. Et Michael, depuis les États-Unis, de répondre immédiatement. Ou alors, peut-être que tes écouteurs sont mis à l'envers, Lovely Rita. Très drôle, j'aime beaucoup cet humour. C'est ça la saga aussi, on aime bien rigoler. C'est la saga, c'est la saga, c'est la saga, les Nous sommes sur l'album Revolver en 1966. Taxman fut composé par George Harrison lorsqu'il s'aperçut que ses revenus étaient imposés au taux maximal, soit 19 shillings et 3 pence par livre sterling, donc 96%. Jusqu'en 1966, le rythme de leur tournée avait été si trépidant qu'ils n'avaient guère eu le temps d'examiner leur comptabilité. Lorsqu'ils s'y livrèrent, enfin, à cet exercice, donc, ils découvrirent qu'ils n'avaient pas autant d'argent qu'ils l'avaient imaginé. Presque tout partait en impôts, expliqua George. C'était, et c'est toujours, assez typique. Et même maintenant, 2014, c'est encore le cas. Pourquoi est-ce comme ça? Est-ce qu'on est puni pour avoir fait quelque chose qu'on aurait oublié de faire? John expliqua plus tard qu'il lui avait donné un coup de main pour l'écriture de Taxman et qu'il avait été franchement contrarié de voir que George ne l'avait pas cité dans le récit qu'il fit de la création de cette chanson dans son autobiographie I, Me, Mine. D'après John, George lui avait téléphoné alors qu'il était en train d'écrire Taxman. J'ai changé quelques mots ici et là parce que c'était ce qu'il me demandait, dit-il. Je ne voulais pas le faire, mais comme je l'adore, je n'ai pas fait de commentaire et j'ai dit ok. Quoi qu'il en soit, la version finale est nettement meilleure que le premier jet dans lequel les rimes sont moins riches. Get some bread rime avec Before You're Dead. Et où tout l'humour est absent. Il n'était pas non plus prévu de citer les noms du Premier ministre britannique Harold Wilson et du leader de l'opposition Edward Heath. Ce ne fut ajouté que plus tard lors de l'enregistrement et évalue à ces deux hommes la distinction d'avoir été les premières personnes vivantes à être citées dans une chanson des Beatles. Les Beatles n'avaient jamais rencontré Edward Heath, mais vu Harold Wilson, lui aussi né dans le nord de l'Angleterre, en plusieurs occasions, leur nomination à la distinction de membre de l'ordre de l'Empire britannique fut approuvée par le gouvernement de Harold Wilson qui, en 1964, avait mené le Parti travailliste au pouvoir. Les Beatles, quatre garçons issus du milieu ouvrier, correspondaient bien à la vision qu'avait Wilson d'une société égalitaire. Lorsque l'écrivain religieux trappiste Thomas Merton entendit Taxman, il écrivait dans son journal, le 10 juin 1967, « Taxman des Beatles me trotte dans la tête, ils sont bons, spirituels, originaux, le rythme, les voix, tout est parfait, ils prennent plaisir à être les Beatles et on en oublie presque qu'ils sont multimillionnaires. » Voilà ce qu'on pouvait dire au sujet de cette belle chanson créée par George Harrison sur l'album Revolver et c'est dans la saga des Fab Four sur RIG. In the town where I was born lived a man who sailed to sea. Allez tous ensemble. And he told us of his life in the land of submarines. So we sailed on to the sun till we found the sea of green. And we lived beneath the waves in our yellow submarine. We all live in a yellow submarine. Yellow submarine. Yellow submarine. Une grande réussite de Paul McCartney qui a écrit cette chanson pour Ringo Starr, cette chanson Yellow Submarine qui avait été curieusement reprise en français avec c'était le sous-marin vert, et oui parce que vert comme la mer, c'était histoire de rimer. Ça a été repris notamment par Maurice Chevalier si mes souvenirs sont bons, et puis il y a eu certainement d'autres personnes qui ont repris également le sous-marin vert dans Les Compagnons de la Chanson je crois en français, mais la version anglaise est meilleure. Et surtout Ringo qui même des années plus tard se régale et rigole en disant Every One of Us Has All We Need. Ça ne veut pas dire grand chose, mais c'était du Beatles. Et c'était plutôt drôle, puisqu'ils aimaient mettre des choses compliquées ou des choses qui n'avaient pas de sens, juste pour que tout le monde étudie et en disant mais qu'est-ce qu'ils ont voulu dire par là? She said, sur la régie. Right here on your radio with the Regale. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey don't be afraid. You were made to go out and get her. The minute you let her under your skin, then you begin to make it better. song and make it better. Remember to let her under your skin. Lorsque Paul McCartney est en France, il dit à un moment donné « juste les hommes ». Et nous tous ensemble « non, non, non, non, non, non, non ». Et puis après « juste les femmes ». Voilà. Et c'est vrai que c'est un grand moment et je dois vous avouer que la première fois que j'ai entendu « Hey Jude », je pense que c'était en 1989 à Bercy. Et je me suis dit à ce moment-là, première fois que j'entendais Paul McCartney chanter ça, je suis devant l'homme qui a écrit ça, la légende qui a écrit ça. C'est un grand, grand moment. Évidemment, à force d'aller voir les concerts de Paul, on aime toujours, mais on s'habitue. Mais pensez au gars qui vient pour la première fois, il y en a toujours, qui vient pour la première fois voir Paul McCartney. Eric pourrait vous en parler. La première fois qu'on voit Paul McCartney, c'est quand même quelque chose de se dire, ah bon sang, mais je connais ces chansons, mais là je vois le gars qui les a créées. Et c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Voici encore une chanson, parce qu'il faudrait pas être en retard maintenant que je suis diffusé en direct, puisque pendant deux semaines ça a été autre chose. Voici Rain sur RG dans la saga des Fab Four. Cet extrait de l'album Hey Jude, qui est sorti en 1970, je vous parle des albums US des Beatles, et cet album Hey Jude s'était auparavant appelé Beatles Again. Saga des Fab Four, c'est John, Paul, Ringo et George avec Thierry Gallet. Same. basse, hein, j'adore la basse de ce titre. La face B de quoi donc déjà, je sais plus, c'est pas grave, c'est super en tout cas. De oui, The Ballad of John and Yoko, c'est ça. Je bravo Eric, il suit lui. Don't let me down, les Beatles sur RG. Don't let me down. Like she does, ooh, she does, yes, she does. And if somebody loved me like she do me, ooh, she do me, yes, she does. The first time, don't you know it's gonna last? It's a love that lasts forever. It's a love that has no past. Don't let me down. She really done me. Ooh, she done me. She done me good. I guess nobody ever really done me. Ooh, she done me. She done me good. À propos de cette chanson qu'elle a été inspirée par Yoko Ono et qui bah c'est bien puisque c'est une très belle chanson de John Lennon, mais je n'ai pas le temps de dire ça parce que on est en retard et il faudrait pas que je finisse en retard. Voici Paperback Writer et la dernière ce sera The Ballad of John and Yoko. Paperback writer. It's a la dernière chanson de la saga des Fab Four. Concentré sur son émission qu'il ne s'est pas rendu compte que je rends la mienne en retard. Voilà. Bah oui, il fallait bien faire sa réputation. Mais merci Eric, comme d'habitude. You're not gonna crucify me, are you? Donc, il nous répondra tout à l'heure. Not this time. Thanks a lot, Eric. Merci à tous et à toutes. Merci à JB de m'avoir inspiré cette émission spéciale US Albums. Et see you next time, boy. Comme dit Paul McCartney, qui va mieux, et on en est drôlement ravis. On se voit, j'espère, la semaine prochaine. Je n'ai pas encore mes horaires, donc vous le saurez. Je vous laisse en compagnie du meilleur, Eric Gallo, qui va vous animer la saga. En tout cas, oui, quelque part, puisque c'est Johnny de A à Z, et c'est Johnny vraiment du début jusqu'à la fin. Enfin, c'est jusqu'à aujourd'hui, quand on est jusqu'à la fin, on se comprend bien. Allez, bisous aux filles, prenez une main de garçon. See you next time, boys and girls. C'était Thierry Gallo pour la saga des Fab Four en France. Salut.